son las 10 de tu alfabeto. Posición número 2. 2. Bienvenue au lancement de la radio Viva Sandino. C'est Catherine Amélie Murray au microphone en direct, en différé du Nicaragua. Donc, après un mois au pays, et oui, ça fait déjà un mois jour pour jour que j'ai quitté le Canada, je vous propose de me suivre au hasard de mes rencontres en terre sandiniste, le tout en balado-diffusion à raison d'une fois par semaine. 3 ou 4 minutes pour partager réflexions, états d'âme, entrevues et peut-être même reportages. Le but de tout cela, bon, je ne vous le cacherai pas, de manipuler un peu le son, de me garder un peu à la page des nouvelles technologies. Bref, expérimenter un peu et de vous amener dans des lieux peu communs. Vous venez d'entendre la voix de Rosario Murillo, la femme du président Daniel Ortega, le 19 juillet dernier, où près de 500 000 personnes se sont réunies à la Place de la Foi, à Managua, pour souligner le 28e anniversaire de la Révolution sandiniste. Bon, un peu d'histoire. Le 19 juillet 1979, le Front sandiniste de libération nationale, le FSLN, fait tomber la dictature qui régnait depuis plus de 40 ans, et il met en place la Révolution populaire sandiniste, qui allie socialisme, économie mixte et participation populaire. Bon, à titre d'exemple, les services de santé deviennent dorénavant gratuits pour tous. Bon, 28 ans, vous me direz que ce n'est pas un chiffre bien rond dont les journalistes raffolent. Mais les célébrations cette année étaient en quelque sorte historiques, puisque le parti sandiniste a repris le pouvoir en novembre dernier, une première fois en 16 ans. Maintenant, un peu de contexte politique. Ça fait un peu plus de 6 mois que Daniel Ortega est au pouvoir, déjà sa cote de popularité a baissé, non seulement au sein de la population, mais au sein de son parti. Et les promesses électorales se font toujours attendre. C'est pourquoi Daniel Ortega a profité de cet anniversaire pour organiser un rassemblement monstre pour raviver la foi en cette révolution et en son gouvernement. Daniel Ortega a vraiment déroulé le tapis rouge à presque tous les membres de la famille révolutionnaire latino-américaine. Alors, le président du Panama y était, du Honduras, un porte-parole de Cuba, bon, pour des raisons qu'on connaît, Fidel ne pouvait pas être là, autre absent, Evo Morales, de la Bolivie. Mais un porte-parole de la Libye y était, mesdames et messieurs, pour, bien entendu, la révolution du peuple en Libye en 1977. Et Daniel Ortega ne s'est pas arrêté là. Il a même fait appel au commandant des révolutionnaires des temps modernes, nul autre qu'Hugo Chavez. Dans une mer de rouge et de noir, les couleurs de la révolution sandiniste, la foule a eu droit à des discours tous l'un plus long que les autres. Tradition du grand Fidel Castro oblige. Le tout entrecoupé des commentaires de la merveilleuse épouse de Daniel Ortega, qui était le MC de la soirée. Elle prenait tellement de place que c'était à se demander qui mène réellement le pays. Et selon les journaux de droite ici, c'est en fait Rosario qui porte les culottes nicaraguayennes. Il ne faut surtout pas oublier tous ces slogans plus révolutionnaires les uns que les autres. En voici un pot-pourri. Arriba los pueblos del mundo! Viva la revolución! Viva Nicaragua libre! Es el poder del pueblo, es el pueblo presidente. La soirée a commencé à 17h. Daniel Ortega, que la foule attendait avec impatience, a pris la parole vers 20h30. Imaginez la scène. Hugo Chavez réchauffe la foule avec ses « Viva la révolution !»« À mort le néolibéralisme américain !»« Pouvoir aux pauvres du monde entier !» Et là, la magnifique Rosario passe le crachoir à son mari enfin. Aquí, hermanas y hermanos, tu presidente, tu comandante, tu hermano, tu amigo, Daniel de Nicaragua, Daniel de América, Daniel de los pobres de América Latina. Thank you. cette présentation, suivie de 2 minutes de musique avant que le président ouvre même la bouche et prononce ses premiers mots. Présentation qui tombe à plat, disons. Pour tous mes collègues de radio, l'amorce était peut-être un peu longue. Bon, Daniel est enfin au micro. On aurait pensé que ses premières paroles auraient été « Joyeux anniversaire, compañeros, compañeros ». Bien non. Il n'en a même pas profité pour s'adresser directement à son peuple qui était, bien entendu, pendu à ses lèvres. Non, politesse oblige. Daniel Ortega a pris 20 minutes pour remercier tous ses amis révolutionnaires qui se sont déplacés pour l'événement. Et là, mesdames et messieurs, Daniel Ortega, président du Nicaragua, a cité le grand Plastique Bertrand. Hablamos un poco más. Oh, ya nos despedimos. ¿Qué piensan ustedes? Je m'arrête ou je continue? Quelle est selon vous la réponse à cette question? Eh bien, il a poursuivi pendant 35 minutes. Il nous a fait voyager, ce beau Daniel. Il a retracé toute l'histoire de l'exploitation au niveau mondial. Alors, point de départ, la région de la Gorée au Sénégal, rien de moins. Pour passer au camp de concentration en Allemagne, à la première visite d'un Yankee au Honduras. Mais où est la révolution sandiniste dans tout cela, vous me demanderez? Eh bien, justement, nulle part. Peut-être parce qu'elle n'a pas vraiment porté fruit et que ses traces sont invisibles aujourd'hui. Et c'est peut-être pourquoi que Daniel Ortega, 28 ans plus tard, a préféré offrir un cours d'histoire à son peuple. Voilà ce que promettait, entre autres, la révolution sandiniste, de l'éducation publique, universelle et gratuite. C'est sur ces notes révolutionnaires que je vous laisse. En fait, je vous donne le bruit de la semaine. Mon doux réveil quotidien à 6h tapant. C'était Viva Sandino. À la semaine prochaine.